tout de suite sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade, pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, où est passé le parfum des roses? Une série documentaire de Jean-Baptiste Verrieras et Marie-Annick Belot, réalisée par Anne Pérez. Au départ de cette série, il y a la curiosité et l'envie de connaître les étapes du voyage que font les roses. De la terre souvent lointaine où elles ont poussé, jusqu'à ce seau de plastique blanc où elles trempent, enveloppées dans du papier transparent, inodore et solitaire. Mais il y a aussi cet étourdissement qui nous prend lorsqu'on se perd dans l'odeur des roses en été, au point de rêver de la mettre en éprouvette. Et il y a aussi des noms, Cornelia, Porcelaine, Pompadour, Cuisse de Nymphe ou Pierre de Ronsard. Alors pour commencer, les personnages. Une pépiniériste qui a pris racine à Rungis, une fleuriste un peu poète, des producteurs de roses isolés en région parisienne, des traders et des producteurs, des ouvrières souvent exploitées et un importateur équitable. Ensuite le décor, des avions cargo, les roses aseptisées de la Saint-Valentin, des femmes au Kenya, la gigantesque bourse aux fleurs d'Alsmer, le pavillon des fleurs qui embaume à Rungis et des fleurs dans des frigos, la Hollande et le Kenya. Aujourd'hui, quatrième épisode, la rose n'a pas toujours été qu'un commerce. Les roses ont un goût rouge rance. Un été acide est sur le monde. Les baies se gonflent d'encre. Et sur la peau de l'agneau, le parchemin se rêche. Le feu de framboise est éteint. Un été de cendre est sur le monde. Tu prends le bonheur ou tu prends les épines? Non, c'est par les épines le moins drôle. Et on finira par le bonheur. Pour faire rêver, on est là pour faire rêver. Bread and Roses, des roses mondialisées. En rose, ça donne quelque chose? Alors, je fais une commande et je leur mettrai la petite rose qu'on a pris chez les producteurs, là. Un comme ça. Tu mets un comme ça? Oui. Le métier de fleuriste a bien évolué depuis quelques années. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choix de fleurs. Toi, ça, fait longtemps, 25. Plus de 5 qui travaillent à Rungis. Donc voilà, on a un témoin. Une vieille de la vieille. De ce qui se faisait avant. Ouais, t'as vu une grosse différence hein, dans le choix. Oui. Ouais. En fait, les Hollandais, ils ont complètement modifié le système. Enfin, le choix, surtout le choix. Puis en plus, on reçoit ça en bac, déjà dans l'eau. Avant, les fleurs arrivaient en carton, à plat. Donc tout ce qui est rose, œillet, glaïeul, toutes ces choses-là, c'était à plat, en carton. Donc vous imaginez, porter des choses comme ça, c'était pas facile. I'll take you quickly behind an auctioneer. I can take only two. Sorry. Je vous amène derrière le commissaire priseur. Je ne peux prendre que deux d'entre vous. Désolé. Sorry. Pardon. Allemaal. Dank u wel. En hij wil 5 zijn van Kraakman. 12, ik heb er 4 over. Allemaal. Hij wil van hem 90 lang 5 euro zijn. 20 euro. Eenmaal. Eenmaal. Twee keer twee. Well, this is where the bidding voici la salle des ventes. We do work with 10 auction clocks in total. Les enchères se font via ces 10 cadrans. Vous pouvez voir les acheteurs assis dans cette petite salle. Elisabeth Palandingue, Flora Hollande. Dès qu'un acheteur s'assoit à sa place et glisse sa carte dans le lecteur, il est connecté à la vente. Au moment où ils décident d'acheter à une des ventes au cadran, la transaction est débitée de son compte. Son compte individuel est relié à son compte bancaire. Il doit acheter au moins le volume minimum de tiges indiqué par le commissaire priseur. Une enchère normale est ascendante et vous pouvez vous arrêter d'enchérir si vous trouvez le prix trop élevé. Ici, cela va dans l'autre sens. Les enchères débutent au plus haut et vont en descendant. Si vous attendez trop, comme il y a plus de 2500 acheteurs dans la maison, ce sont les autres qui remportent le lot. Si vous êtes trop rapide, vous risquez de payer le prix fort. Les acheteurs sont expérimentés. Ils connaissent les prix justes et les grandes dates qui influencent les prix, comme la Saint-Valentin, la fête des mères, Noël. Ils doivent rester très attentifs. Une erreur de 5 ou 10 centimes peut leur coûter très cher. Et s'ils laissent trop souvent des ventes leur échapper pour leurs clients, ces derniers trouveront un autre acheteur. Plus de 9 millions d'euros sont vendus ici chaque jour à Alsmeer pour 3,3 milliards d'euros par an. Flora Holland est une coopérative d'environ 4500 horticulteurs hollandais. Le bâtiment leur appartient. Alsmeer est de loin le plus grand marché aux fleurs du monde. À elle seule, la Hollande représente 60% du marché mondial des fleurs. À présent, c'est la pause. Les cadrans sont à l'arrêt. Ils vont encore travailler une heure et demie maximum et tout sera fini. Il faut compter encore une heure pour répartir les fleurs. À midi, il n'y aura plus une seule fleur à vendre dans tout le marché. Zegsman. Allemaal. Captain Romans van Calamand. Captain Romans. Captain Rosette van Captain Rosette. Lengte 65 van Calamand. Donc c'est un marché global de 4 milliards de dollars. En croissance annuelle d'à peu près 10% jusque dans les années 2009. Et puis depuis 2009, ça a légèrement diminué. Mais ça reste quand même positif. Bernard Calas, en France, géographe. Le jour de la Saint-Valentin, on dépense 18 millions d'euros pour les fleurs, principalement des roses. Si on remonte la filière, les Pays-Bas restent le hub floral et horticole et rosicole majeur dans le monde, puisqu'il y a 50% des fleurs coupées qui passent par la Hollande. Il y a 19 millions de tiges par jour qui sont vendues aux enchères à Alsmeer. Quand les enchères démarrent, chaque acheteur a un numéro identifiant. Cet identifiant suit leurs achats des entrepôts frigorifiés jusqu'au lieu de chargement. Un lot peut être réparti entre plusieurs acheteurs. Nous utilisons 70 km de rails pour faire circuler les fleurs dans les entrepôts, en plus des chariots motorisés. Nous nous engageons à livrer les achats de nos clients en moins d'une heure et demie. Comme le marché couvert est aussi vaste que l'État de Monaco sous un seul toit, nous devons vraiment accélérer les flux. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs. À Rungis. On va aller directement aux roses de jardin. C'est vrai que ce sont des grandes allées, colorées, parfumées. Céline Grossin, fleuriste. On avait parlé de Noémie et Xavier dans les roses dans mon jardin. Et les voici avec leur petite beauté. Donc des roses de différentes tailles, différentes variétés. Et puis le bonheur, c'est le matin, vous fermez les yeux et vous sentez. Ici, ça doit être la pamplemousse. Il y a un joli cœur qui est clos, qui ouvre bien. C'est vrai que souvent on dit que les roses n'ouvrent pas, mais là, celle-ci ne reste pas figée. Voilà. On peut vous montrer la fameuse Black Baccarat. souvent les clients qui veulent de la rose rouge ne voient que par la Black Baccarat qui a un aspect velours. Cette Orient Express, elle est jaune avec un petit liseré rose. Et celles-ci, par contre, sont plus courtes. Donc on va les travailler en petits bouquets ronds avec un peu de feuillage pour justement leur bien les tenir. Voilà la piagée qui sont merveilleusement bons, qui a un gros cœur, qui ouvre, qui est magnifique. Mais bon, je suis arrivée trop tard, il n'y en a plus. J'aurais dû commander. Bueno drink. Loreno. Captain Romand van Colorland. Tweemaal. 6x2. Driemaal. Tweemaal. 2x3. Dank je. 7x. Captain Trinity van Colorland. Five main production areas. Les roses vendues à Flora Hollande proviennent de 5 zones de production. Principalement la Hollande, le Kenya et l'Éthiopie. Yanneke de Jong, Flora Hollande. Il y a aussi des roses d'Équateur et de Colombie, même s'ils fournissent surtout les marchés d'Amérique du Nord. Les fournisseurs de Flora Hollande restent en grande partie hollandais. Il y a aussi quelques roses de Belgique et d'Allemagne, des roses de jardin qui n'ont pas poussé dans des serres. Nous suivons et analysons les tendances des consommateurs. Par exemple, nous voyons que les roses s'achètent de plus en plus dans les supermarchés au détriment des fleuristes. En fait, les gens préfèrent encore aller chez les fleuristes pour acheter des roses haut de gamme, même si à présent la qualité s'est nettement améliorée dans les supermarchés. Ce sont le genre d'informations que nous transmettons aux horticulteurs hollandais. En gros, vous avez l'Afrique comme ça. Voilà. Ici, vous avez l'Europe avec le Royaume-Uni et puis les Pays-Bas. Donc, ce qui m'intéresse, moi, ce sont ces deux États-là, le Kenya et l'Éthiopie, qui produisent à peu près, à eux deux, 50% des roses qui sont consommées en Europe. Donc, les fleurs sont produites à Naivasha, sur le plateau d'Olkalou, au pied du mont Kenya, dans la région d'Eldoret, pour le Kenya. Les roses représentent 2000 hectares de superficie, 60 000 employés, 50 000 à Naivasha et 10 000 ailleurs. Et ça rapporte 400 millions de dollars à l'économie kenyane. Pendant la période de la Saint-Valentin, vous avez 5 avions cargo bourrés à craquer, de roses qui montent toutes les nuits vers l'Europe. Un avion cargo, c'est un 747 cargo, c'est 112 tonnes. Donc 5 fois de 112 tonnes qui toutes les nuits montent vers pendant la période de la Saint-Valentin, hein, contre-saison, montent vers Amsterdam. De là, trois possibilités. Soit la vente aux enchères, 40%, soit la vente au contrat, 30%, soit la vente directe, 30% aussi. Et on a à peu près le même système en fuseau entre la Colombie et l'Équateur, surtout l'Équateur. La Colombie, la production de fleurs est plus diversifiée. Il n'y a pas que des roses, alors qu'en Équateur, il y a beaucoup. C'est un peu le modèle kényan et éthiopien. Il y a beaucoup plus de roses. Donc là, vous avez un modèle où les avions partent vers Miami. Et de Miami, ça monte vers les marchés de consommation de la mégalopole américaine ou bien de la Californie. À cela, il faut ajouter la mainmise des pays du Nord, européens, donc les Allemands, les Hollandais, les Anglais, les Italiens et les Français principalement, sur le secteur de l'obtention, qui est l'amont de la chaîne de coopération. Donc classiquement, dans une géographie de la division internationale du travail, les Européens ont gardé la main sur l'innovation variétale, ont gardé la main sur ce qui rapporte de l'argent, et ont délocalisé une partie de la production vers le sud, principalement l'Afrique et l'Amérique andine. Chaque nuit, entre 200 et 500 cartons de roses arrivent des fermes d'Afrique. Wout Or, rosieriste hollandais. Les gars commencent à travailler dès 6 heures du matin. Les roses sont chargées sur les chariots et transportées dans la chambre froide jusqu'au lendemain. Les roses passent la nuit en chambre froide. C'est bon pour leur tenue en vase. Et cela rend la rose plus robuste au conditionnement. Ensuite, on les dispose dans ces bacs jaunes et elles partent pour les enchères. Vous savez, le cadran. Le conducteur de chariot écoute au casque les informations sur la livraison à faire. Chaque transaction a son étiquette qui lui indique où se trouve le produit et où il doit être déposé. Cette personne doit se rendre à l'allée 2 pour déposer les roses sur l'emplacement de leur acheteur, identifié par son numéro de carte de 751 à 780. On va suivre le cariste jusqu'à l'emplacement 753 où il déchargera les bouquets de roses. Les hommes vont et viennent, paupières baissées, sur la berge aux roses rouillées. Ils attendent que la colombe leur porte des nouvelles d'un été étranger sur le monde. Le pont de pointilleuse ferraille ne s'ouvre qu'à ceux en ordre de marche. L'hirondelle ne retrouve plus le sud. Un été aveugle est sur le monde. Naivasha est un très bel endroit. Le Kenya est un très beau pays. C'est un lac entouré de montagnes boisées. Blandine Vette, avec sociologue. Des grandes réserves d'animaux. C'était le lieu où il y avait les grandes propriétés des anciens colons. Et tout le sud, où il y avait ces grands domaines, se sont devenus des zones de production de roses. Et quand vous êtes sur la route, vous voyez ces marais de serre et vous n'avez plus de vue sur le lac. De temps en temps, vous voyez un troupeau Maasai qui broute l'herbe entre la route et les barbelés de serre. À un moment, vous traversez un village kényan. C'est un bidonville. Sauf qu'il y a des distributeurs de banques. Alors, c'est complètement incroyable parce que toutes les serres sont des enclaves fermées, gardées par des gardiens armés. Il faut que vous imaginiez que c'était une savane, il y a une centaine d'années. Ensuite, les Blancs se sont installés. Une zone de ranch, et puis autour du lac, une zone de résidence de week-end pour faire la fête. Cette zone appartenait à ce qu'on a appelé les White Islands, c'est-à-dire des terres réservées sous la colonisation, des terres réservées aux agriculteurs blancs. Donc c'était le cœur du Kenya colonial. Et puis dans les années 60, à la suite de l'indépendance, cette économie blanche, elle tombe en déréliction. Les terres sont laissées oisives, etc. Et puis dans les années 70-80, à cause du choc pétrolier, à cause de l'évolution de l'agriculture hollandaise, à cause des prix du foncier, à cause du prix de la main-d'œuvre, à cause d'un début de prise de conscience du coût environnemental de la floriculture en Hollande, les producteurs hollandais ont commencé à se dire « il faut qu'on aille ailleurs ». Dans les années 80, on a les premières fermes de roses qui s'implantent là-bas. Ensuite, des hommes politiques kényans qui ont senti venir le vent. Le docteur personnel du premier président, donc Jomo Kenyatta, a une ferme, Magana Flower, juste à la sortie de Nairobi. Dans un pays où on n'est pas homme politique si on n'est pas fermier, c'est une forme de diversification agricole, d'ouverture à l'international. Voilà. Et puis, vous avez aussi des Indiens kényans, la diaspora indienne, qui ont investi dans ce business-là. Ils ont été longtemps interdits de propriété foncière. Et donc, c'est une façon pour eux de rentrer dans l'agriculture, de valoriser un savoir-faire. Et donc, il y a des circulations un peu sud-sud étonnantes. Jusqu'à il y a deux, trois ans, la première ferme de roses du monde, elle était détenue par un Indien qui s'appelait Karuturi au Kenya. Naivasha, ça a été le berceau de la rosiculture kenyane. Et puis, il ne faut quand même pas les oublier, il y a les 50 000 ouvrières et tout le business qu'elles induisent. C'est-à-dire que ça a été un des secteurs où la croissance démographique a été la plus rapide dans les 20 dernières années. D'ailleurs, C'est une des zones qui, en janvier 2008, a été un point de tension pendant la crise post-électorale. Vous savez peut-être qu'en 2007, il y a eu une élection présidentielle qui a mal tourné au Kenya. 1500 morts, 300 000 déplacés. Et un des hotspots de la violence, ça a été ce secteur-là. C'était parce que c'était un lieu de cohabitation ethnique. Et donc, comme les ethnicités ont été manipulées par les hommes politiques, à un moment, on s'est retrouvé avec des hordes se précipitant vers d'autres hordes et séparées par l'armée kenyane. Voilà. C'était juste avant la Saint-Valentin. Donc, pour les horticulteurs, ça tombait très, très mal. Donc, les horticulteurs ont passé un contrat, on va dire ça comme ça, avec le gouvernement et l'armée, pour acheminer les roses sous convoi vers l'aéroport de Nairobi. Depuis quelques heures, les fleuristes respirent un peu mieux car ils ont la certitude de recevoir les roses du Kenya qu'ils vendront la semaine prochaine. Il faut savoir qu'en France, 40% des roses vendues à l'occasion de la Saint-Valentin viennent des grandes fermes de Naivasha, un bourg situé à 80 km de Nairobi. Et pour Jean Bigot, un Français qui produit des roses au Kenya depuis 8 ans, l'activité a repris quasi normalement sur les 42 hectares de rosiers de sa ferme. Bon, Naivasha a eu une période tumultueuse au début de la semaine dernière, mais depuis, le calme est revenu dans le village, on y circule normalement, notre personnel est revenu pratiquement à son effectif normal, bien sûr il nous manque quelques luo, quelques kalenjins, mais ce n'est pas un gros problème parce qu'il y a des réfugiés pour compenser. Non, tout est normal sur la ferme, on ne manquera pas de roses à la Saint-Valentin. Je n'ai arrêté mon cheval que pour cueillir une rose rouge dans le jardin d'une cananéenne qui a séduit mon cheval et s'est retranchée dans la lumière. Elle se lève. Elle prend un thé au lait très sucré, c'est le petit déjeuner, il n'y a pas de petit déjeuner en fait, tel qu'on l'entend. Et alors, ensuite, en fonction des fermes, soit elle va au point de ramassage par bus, soit elle prend son vélo qu'on lui a offert, soit elle marche, soit elle prend le matatou et elle se rend à l'entrée de la... Le matatou, c'est le taxi collectif. Et donc, elle se rend à l'entrée de la ferme, elle prend son poste de travail, donc elle met sa blouse, elle prend son sécateur qu'elle stérilise régulièrement, le plongeant dans une solution stérilisante, et elle commence à couper les roses qui sont juste à point, dans les rangées dont elle est responsable personnellement. Stade de maturité dont le respect conditionne la durée de vie en vase, le prix de vente, le contentement du consommateur, le respect du contrat, etc. Donc c'est un geste très important. Et si elles font mal leur boulot, ben elles seront vidées. Et derrière, à la porte, il y a plein de monde qui attend. Hein. C'est deux choses. Elles sont exposées à des produits chimiques. Qui sont parfois irritants pour la peau, qui provoquent des malformations, qui peuvent provoquer des malformations en cas de grossesse, etc. Et puis deuxièmement, les contremaîtres sont des hommes. Et elles sont soumises à un harcèlement sexuel, pas toutes, heureusement, et il y a une vigilance croissante, mais il y a quand même des cas nombreux de harcèlement sexuel. Donc c'est the dark side of the story, si vous voulez. Là. Donc il faut bien voir qu'un travail là-dedans, c'est perçu comme une chance. Mais en même temps, il y a des contraintes lourdes et parfois inadmissibles. Quoi. Les sprayeurs, enfin les personnes qui pulvérisent, qui sont des hommes, d'une ferme à l'autre, on voit des grosses différences quand même. On les appelait les cosmonautes. Avec des masques complètement, avec des combinaisons, c'est exactement les mêmes conditions que pour l'amiante. C'est-à-dire que quand pour Ebola. Oui, ils se douchent habillés, ils se déshabillent, ils se douchent à nouveau. Et dans les meilleures fermes. Dans les meilleures fermes, parce que dans d'autres, on voit des hommes qui sans gants tournent des produits chimiques, etc. Donc il y avait quand même des grosses différences d'une ferme à l'autre. Il faut seulement 3 personnes pour charger les roses dans la machine. Et après, elle fait tout le reste. La machine peut trier jusqu'à 16 types de roses en même temps. Les roses avec des tiges de 80 cm vont là, celles de 70 cm ici, et les autres de 60 cm là, etc. Et même les tiges un peu courbées sont détectées et rassemblées entre elles. La machine sait exactement quoi faire. Dans notre recherche de nouvelles variétés, on s'intéresse au rendement, à la couleur. Celles-ci, nous ne savons pas encore ce que nous allons en faire. Peut-être iront-elles au Kenya ou en Éthiopie, dans nos serres de présentation, ou en Équateur, à 3000 mètres et plus, si elles ont besoin d'encore plus d'altitude. Chaque variété est testée dans nos fermes à l'étranger. On n'arrête pas de faire des essais. Notre vie consiste à faire des essais, encore des essais. Alors, quand on tient une bonne variété, on en plante 200 pieds, ici, dans cette serre. Ici, il n'y a que des nouvelles variétés. Puis on fait venir nos clients. On espère qu'ils vont l'aimer et qu'ils vont vouloir en planter dans leur serre. Si c'est le cas, alors on lui trouve un nom et on lance une nouvelle variété de rose. C'est un peu comme ça que ça marche. On recherche bien sûr des roses parfumées. Mais c'est vraiment difficile. Le problème avec les roses parfumées, c'est qu'elles ne tiennent pas une fois coupées. 5 ou 6 jours dans un vase et puis c'est fini. Alors qu'une rose normale tient une dizaine de jours. Il y a quelques horticulteurs qui produisent des roses parfumées, mais leur durée de vie en vase est généralement trop courte, 3 ou 4 jours seulement. Selon notre étude marketing, quand les gens achètent des roses parfumées, ils se disent qu'ils achètent une fleur d'exception, plus chère que les autres fleurs en bouquet, plus élitiste. Alors quand elles ne tiennent que 3-4 jours, ils peuvent être frustrés. La durée de vie en vase est vraiment importante pour le consommateur. Et aujourd'hui, une durée de vie de 8 jours pour les roses parfumées, ce n'est pas encore possible. La tendance actuelle est plutôt aux roses peintes ou décorées, un peu comme de la sauce au chocolat, de la décoration sur les glaces, ce genre de choses. Pour la Saint-Valentin, par exemple, les roses peintes façon disco plaisent beaucoup, en particulier en Chine. Plutôt qu'un bouquet, on offre alors une seule rose, comme un cadeau très spécial. Communiqué de presse. Nous sommes plus importants que des milliers de fleurs réunies. Le 14 février prochain, la Saint-Valentin sera célébrée dans le monde entier, principalement aux États-Unis et au Canada. Durant cette période, des millions de roses, œillets ou chrysanthèmes sont coupés et emballés par des milliers de travailleurs, majoritairement des femmes, dans des serres d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique, afin d'être offerts comme symbole d'amour. Afin de reconnaître l'ampleur de ce travail, le 14 février est aussi célébré comme la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs des fleurs. Cette initiative a été lancée en 2002 par l'organisation Cactus, basée à Bogota, en Colombie. Comité pour les droits humains en Amérique latine. On a l'atelier derrière avec le bureau. Et là, la boutique commence à prendre vie. On va mettre les prix, voilà, tout installé pour que ça soit, qu'il ne manque rien pour la fin de semaine. La rose du jardin, c'est tout ce qui est plus difficile à nettoyer parce qu'il y a beaucoup d'épines. Je me suis laissée tenter après, la petite rose mélangée comme ça. Voilà, l'inconvénient, voilà, c'est ça en fait, ça. Ça abîme un peu plus vite, mais bon, santé, les petits parfums. Moi, ça me rappelle mon enfance chez mon grand-père, en fait. Je pense que ça va faire monter des souvenirs d'insouciance dans le jardin, à jouer les pieds dans l'herbe. Et puis, mon grand-père qui a été jardinier de maître. Et j'ai passé des vacances chez lui en Touraine, dans son jardin, où il faisait pousser... asperges, groseilles à macro, des immortelles. Alors à chaque fois que je vois des immortelles, je pense à lui. Et en fait, j'en achète, mais sans forcément les vendre. Mais ça m'est égal, en fait. J'ai l'impression d'avoir un peu de lui avec moi. D'ailleurs, ça me donne un peu le frisson quand j'en parle. Mon pépé lapin. Délicatement. Ces odeurs. Les feuilles du dessous, les différentes variétés, la petite rose renoncule, la petite branchue Viviane, un joli bouquet de roses. Et bien, ça peut être un tout petit bouquet avec juste une botte de rose et de la menthe par exemple, ou du cassis. C'est vrai que c'est pas très connu en fait, les roses équitables. Les gens connaissent pas trop en fait. Et puis c'est vrai que Stéphane il se démène pas mal dans ce travail-là. Donc c'est aussi pour l'encourager. Je comprends pas ce principe. Stéphane Dupuy. On est capable d'exploiter des gens pour gagner de l'argent. Fondateur d'Etiflora. Je pense qu'on doit partager un peu les richesses. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Ça pose pas vraiment de problème. Mais d'aller acheter des roses sans se préoccuper. De comment ça se passe et de est-ce que c'est si vous voulez payer suffisamment cher pour que l'entreprise survive, de pas se préoccuper du fait que les employés aient des contrats de travail ou pas, qu'ils soient protégés ou non des produits de traitement, que les pesticides soient utilisés de manière abusive et abîment l'environnement. Je trouve ça vraiment très étrange comme comportement. Il y a, à mon sens, beaucoup de fermes qui travaillent bien, qui respectent les règles de conditions de travail applicables dans le pays, si on parle d'Équateur. Maintenant, après, vous avez des toutes petites fermes qui, elles, ne vont pas exporter leur production, mais qui produisent pour des exportateurs. Et le problème vient de ces petites fermes-là, qui produisent avec les pesticides les moins chers, souvent, malheureusement, les plus nocifs. Et puis, en embauchant des gens quand ils en ont besoin. Donc, ces petites exploitations-là, qui sont un peu cachés, c'est des entreprises qui emploient des gens au noir et dans des conditions assez abominables. Donc, dans le commerce équitable, sur le côté environnemental, c'est déjà interdiction d'utilisation de ces pesticides. Sur la partie protection des employés, si on parle des personnes qui appliquent ces produits, ils ne peuvent pas appliquer des produits toute l'année, tous les jours. Ils ont des périodes de carence, ils ont un suivi médical particulier, ils ont un équipement qui ne reçoivent pas des résidus sur la peau. Une serre dans laquelle on a appliqué un traitement est mise sous scellé. À l'entrée, vous avez un panneau qui doit vous indiquer quel type de traitement a été appliqué, quelle personne est autorisée à rentrer dans la serre, quand est-ce que le produit a été appliqué et jusqu'à quand l'accès est interdit. Ensuite, il y a une partie, bien sûr, protection des droits du travail. Il faut que tout le monde ait un contrat de travail. Ça paraît un petit peu une évidence chez nous, c'est pas forcément le cas en Afrique ou en Amérique latine, de dire que les gens sont employés avec des horaires de travail, de respecter les lois de leur pays. Il y avait 14 fermes qui étaient certifiées à l'époque. On les a toutes contactées et on leur a demandé s'ils voulaient bien nous recevoir. Voilà, donc on a un lieu de stockage juste ici. Et en principe, on va travailler dans le carré au fond et pour préparer nos commandes de roses. On va dire 500 bottes de roses par arrivage à peu près. Donc on étale tout au sol. Ensuite on va faire du picking, on va choisir les roses pour chacun de nos clients en fonction de leur préconisation. Il y a certains clients qui demandent un stade d'ouverture précis, il faut qu'on fasse attention aussi à ça. Après vous avez notre fleuriste a aussi un autre boulot à faire, c'est que ces roses qui ont voyagé pendant 5-6 jours. Elles ont besoin d'être réhydratées avant d'être utilisées pour te redonner vie un petit peu. Traditionnellement, donc sur l'Équateur, on partait sur une taille de bouton et uniquement ça. C'était une rose un peu brutale, très très grosse. C'est ce qui faisait sa spécificité. Je pense qu'on est plus proche de l'environnement, on a plus envie de produits un peu naturels qu'une très très grosse rose, une très très grosse boule de pétales. Donc je pense que voilà, c'est combien de temps ça va durer, je ne sais pas. On va dire qu'une variété, elle a une espérance de vie d'une dizaine d'années. Au bout d'un moment, on l'oublie et on passe à autre chose. Ça fait quelques années qu'on nous demande de plus en plus de roses parfumées, de roses de jardin, de roses ramifiées comme ça. On est un peu plus romantique qu'avant, peut-être, je sais pas. Il y a une partie qui est, pour moi, la plus intéressante dans le commerce équitable. qui est financé par les importateurs, où chaque importateur de la filière doit reverser 10% du montant de ses achats à un comité paritaire. C'est simplement un regroupement des employés. Chacun a un droit de parole. Il y a une personne de la direction qui participe à ce comité. Et l'idée, c'est de choisir quel projet ils peuvent mener avec l'argent qu'ils récoltent avec ces fameux 10%. Sur Etiflora, ça doit être quelque chose comme 70 000 ou 80 000 dollars par an. Au départ, ça a été, tout le monde voulait une salle informatique. Tout le monde voulait une connexion Internet parce qu'il y a beaucoup d'Équatoriens qui sont partis dans les années 80, soit aux États-Unis, soit en Europe, notamment en Espagne. Il y a un très très grand projet qui a commencé dans une de nos fermes qui s'appelle AgroCoex, où eux ont décidé de faire un lotissement pour leurs employés. Il y a eu une consultation il y a 2 ans où on a demandé aux différents employés des fermes, est-ce que vous voulez un syndicat ? Et la réponse dans les fermes a été majoritairement non. Ça a finalement été imposé. Ça a fait vraiment, vraiment peur à beaucoup de monde. De se dire qu'il pouvait y avoir une grève qui empêchait la production pendant quelques jours, ça a fait vraiment peur. Mais au final, l'organe, qui n'est pas tout à fait un syndicat, mais qui est le comité paritaire, faisait ce travail-là. Je suis pas sûr qu'il y ait réellement un marché. C'est normal, c'était mon idée, donc je la trouvais assez géniale. Mais je me rends compte que finalement, il faut avoir les moyens pour acheter du commerce équitable. Quand vous avez du mal à nourrir votre famille, vous voulez vous faire plaisir à acheter des fleurs, vous pouvez décider d'acheter une rose, belle et en commerce équitable. Mais si vous voulez un bouquet de fleurs, vous regardez le prix, vous allez dans un supermarché et vous achetez plutôt un bouquet de 40 roses au même prix que votre rose du commerce équitable en provenance d'Équateur. Ce qui fonctionne le plus chez Etiflora, c'est le fait d'allier commerce équitable et qualité. Un fleuriste ou un consommateur rentre chez un fleuriste, il voit une rose, elle est belle. C'est ce qui l'intéresse. S'il est venu pour acheter des fleurs, s'il voit une belle rose, il dit « je veux cette rose ». Si c'est du commerce équitable, super. Produire une rose parfumée, vaut mieux la produire à côté de chez nous. Les producteurs de région parisienne sont vraiment adaptés pour ça. Ils vont couper aujourd'hui, cet après-midi ou ce matin pour livrer demain matin à Rungis des roses parfumées qui vont s'ouvrir beaucoup plus vite, qui ont une tenue beaucoup plus réduite. Une rose qui part en Équateur le jeudi, on peut la réceptionner entre dimanche et lundi chez nous. Et elle va arriver chez notre fleuriste le mardi. Il faut qu'il réhydrate cette fleur et la vendre le mercredi. En gros, elle a déjà 8 jours. Donc une rose parfumée n'est pas vraiment adaptée. Vis-à-vis de la clientèle, pardon, excusez-moi, c'est les affaires. Rose trémière, oui. Oui, oui. Fuchsia, tu l'aurais la rose trémière ou fuchsia? Oui, fuchsia, je l'aurais. Rose, bah, je peux te faire un petit choix. Mme Rosa! 10 ans, on m'aurait dit que j'aurais été rosieriste, je l'aurais pas cru. C'était mon fournisseur en rose quand j'étais fleuriste. Karine Venet, rosieriste. C'est comme ça que j'ai fait connaissance. C'était Monsieur Coquelin à l'époque, qui était mon fournisseur à Rungis. Et quand il avait décidé de vendre, moi j'en avais assez d'être fleuriste et mon mari voulait sa propre production. Donc du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Marie a quitté son travail et moi j'ai vendu mon magasin. Et pendant 2 ans, il a été formé, en attendant que je vende mon magasin, il a été formé par Monsieur Coquelin. Et c'est comme ça qu'après on a pris en location sa production à ce monsieur. Ça a commencé sur Grizzly Swing dans le 77, où là il y avait beaucoup de producteurs de roses. Il y avait le train des roses qui partait de Grizzly, qui passait sur Mandres et qui emmenait directement dans les Halles de Paris. C'est comme ça que, en fin de compte, tout le côté producteur, tous les rosiers sont dans le même secteur. Après, ça, petit à petit, on a tous disparu, dû à la concurrence, tout ce qui est marché hollandais au départ. Après, il y a eu l'Équateur, il y a eu aussi le choc pétrolier dans les années 90. Enfin, de toute façon, le déclin a commencé dans les années 80. Il y a eu pas de repreneurs aussi, quand tous ceux qui ont pris leur retraite, les jeunes ne voulaient pas spécialement faire ce métier-là, donc c'est pour ça que nous sommes plus très nombreux. Voilà, les professionnels viennent, j'ai un stand à Rungis, et ils viennent directement les chercher à mon stand. Même si c'est un peu plus cher à la vente, il y a quand même des amateurs qui veulent mettre le prix et qui veulent du parfum, que ce soit une vraie rose. En fin de compte, nous on s'est démarqué là-dessus en faisant essentiellement de la rose parfumée, parce que au niveau de la production, tout ce qui est hollandais, équateur et tout ça, c'est pas assez productif pour eux, et puis ça supporte pas le transport. Donc c'est ça qui nous permet de nous maintenir en fin de compte, et c'est ce que recherche la clientèle, et aussi pour se démarquer aussi vis-à-vis de leurs clients, comme quoi ils font de la production d'Île-de-France, du Paris, ce qu'on appelle. Et pour se démarquer un petit peu des produits hollandais et d'Équateur, c'est un produit français. Moi, pendant 2 ans, c'était très dur de faire Rungis. Hein, j'y allais à reculons. Hein, c'était très, très dur de me lancer. Ce Rungis, c'est un monde à part. J'allais avec la boule au ventre à l'époque. Pendant bien 2 ans, j'y allais avec la boule au ventre. Et puis maintenant, j'adore Rungis et je me passerai pas de Rungis. Et pour rien au monde, je pourrais faire une journée type dans une boutique de 8h jusqu'à 20h le soir, je pourrais pas. Je me rappelle qu'au tout début, quand je l'ai démarré, je vous voyais les clients, qu'est-ce que vous voulez et tout ça. Et puis à un moment, un jour, il y a un gars qui me fait oh, t'appelles comment ? Karine ? Moi, c'est Jean-Pierre. Bon, bah écoute, maintenant on se tutoie et puis tu me mets ça, ça, ça. Ouais, et en fin de compte, c'était comme ça tout le temps. Donc après, moi qui étais un petit peu timide, un peu coincée, là c'est bon, alors Rungis, ça vous décoince, mais alors en 2 ans, c'est bon, hein, y a pas de problème. Mon mari n'aime pas trop cette ambiance de Rungis, mais non, pour rien au monde, je reviendrai en arrière, et même si la production, si vous devez un jour avoir un couac, que ça n'irait plus et qu'on serait obligé de vendre l'exploitation ou d'arrêter. Moi, je crois que je chercherai un travail dans Rungis, parce que je pourrais pas faire un autre métier. Philippe Venet, rosieriste. Donc là, c'est une production de 1000 m² avec une trentaine de variétés en tout. Donc on recherche à chaque fois des variétés parfumées. On essaye de trouver des variétés de plus en plus résistantes pour la tenue en vase, etc. En fonction de elle, le retour qu'elle a de ses clients, selon les couleurs qu'ils aiment bien, qu'ils veulent sur le marché. Et après, moi, j'essaie de sélectionner des variétés qui sont plus faciles à produire. Niveau production, c'est pas tout à fait les mêmes intérêts. Il y en a une qu'on a en test au fond, là, qu'on vient de mettre cette année. Rose rouge parfumée. Donc, c'est Jubilé Papa Milan. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors après, au niveau de la rose, nous, ce qu'on va chercher en fleurs coupées, c'est avoir un rosier relativement productif. Une rose avec une tige suffisamment forte et assez longue. Puis après, on va sélectionner l'ouverture du bouton. Que le bouton puisse tenir au moins chez les gens, minimum 7 jours. Quoi. Parce que sur les roses parfumées, il y a beaucoup de roses où le bouton éclate très vite à la chaleur. Donc après, nous, on ne peut plus le récupérer, on ne peut plus le commercialiser. C'est un peu trop ouvert pour les gens. Voilà. Il y a des variétés comme Papa Mignon qui sont très jolies, très parfumées, mais très éphémères aussi. Et c'est vraiment pour des connaisseurs. Ça va durer 3-4 jours. C'est vraiment juste pour le parfum. cette petite mouche, on arrive à la voir au niveau du bouton. C'est vraiment microscopique. Ce parasite s'infiltre partout, pond au niveau de la plante. L'adulte se cache au niveau du sol, sous forme de nymphe, donc on a du mal à l'atteindre. Son cycle de reproduction est très court, donc à partir d'un seul trips, en 4 jours, vous allez en avoir 40. En un mois, vous êtes envahi, quoi. Au niveau des produits phytosanitaires, il y en a de plus en plus de retirés qui étaient efficaces contre lui, qui sont plus présents sur le marché. Donc, après, on a un problème d'accoutumance des produits au niveau du parasite, qui s'habitue aux produits et qui a un effet de résistance. Et donc, on a de plus en plus de mal à s'en débarrasser. Donc, et ça, on essaye de mettre en place la PBI justement pour ça, pour contrôler ce parasite. Donc ça consiste à limiter au maximum les traitements phytosanitaires et remplacer ces traitements par des auxiliaires, principalement des acariens, mais après il y a des punaises aussi, il y a des chrysopes qui vont s'occuper de parasiter et de consommer les insectes qu'on ne veut pas avoir dans la serre. Ça fait 5-6 ans qu'on tente, mais on a des échecs réguliers tous les ans, quoi. Et nous, on a un impératif par rapport à un parc, etc., que la rose soit parfaite par rapport à une roseraie ou un jardin. Bon, c'est vrai que le trips, quand vous l'avez sur une rose, il va vous abîmer les premières pétales. Mais après, une fois que la rose gonfle, elle va s'ouvrir. Et dans le jardin, vous ne verrez pas la différence. Vous verrez juste quelques défauts sur la rose, mais c'est pas, ça ne va pas forcément impacter sur l'aspect visuel du rosier en jardin. Alors que nous, on sert. Si le bouton a quelques taches, après il est invendable au niveau de la fleur coupée. Même s'il a tendance à s'ouvrir, il y a toujours quelques pétales qui vont être un peu abîmés et ça ne va pas forcément plaire aux clients. Il y a des petites branchues dedans et tout ça, mais après je peux en chercher des plus fermes aussi. Ah, il y a des bouts de bien. Oui. Ah, tu vois bien. Oui, le Delvara, c'est très bien. Non, c'est pas un peu les épinés. Vous les épinez pas? D'accord. Alors là, je suis anti au nom de la rose, anti monceau, anti tout ça. C'est toutes ces chaînes-là qui ont cassé tout le marché de Rungis. Les monceaux, les jardins de Galie, tout ça. Après, ils se font livrer directement par fret aux aéroports. Après, ils vont chercher leurs marchandises et sont livrés. Et après, c'est dispatché, en fin de compte, dans les boutiques. Et du coup, tout ça, ça a tout cassé le marché de Rungis. Ils ont fait de la concurrence aux petits fleuristes qui venaient à Rungis. Et ils ont obligé à fermer parce qu'ils cassaient les prix. Il y a encore 10 ans, on était une quarantaine. Et là, on n'est plus que 15. On était encore très très nombreux. Il n'y avait pas assez de place dans Rungis. Il y en a, ils étaient même en dehors du bâtiment. Ils étaient à l'extérieur. Depuis 20 ans, moi j'ai connu Rungis dans les années 90. Il y avait encore déjà beaucoup de producteurs. On était 70, 80. Et maintenant, on n'est plus que 15. En tout. De Rosiris, on n'est plus que 4. Mais... Et dans 10 ans, on sera peut-être plus qu'un ou deux, je ne sais pas. On ne sait pas. On peut pas nous même prévoir dans 10 ans si on sera encore là. On ne sait pas. Souvent, j'ai droit à la première rose au mois d'avril aussi, quand elles arrivent. Ça, c'est le petit côté romantique encore. J'apprécie les premières roses. Oui, même quand on botelle, même avec Maria, notre employée, parfois, oh, regarde celle-là, comme elle est belle. Ah oui, celle-là, elle a poussé. On est toujours en extase. On dit, oui, celle-là, d'habitude, elle n'est pas aussi belle. Et puis là, il y a un super bouton. Et on est toujours admiratif, en fin de compte, sur ce qu'on cultive. Oui, donc, on essaie toujours de produire la plus belle rose, la plus belle qualité. Donc on a toujours le challenge de sortir quelque chose d'exception, sinon... Ça veut dire que l'un sans l'autre, ça marche pas. Ça marche pas. Ça serait compliqué. Ça serait plus délicat. Ça serait plus délicat, en fin de compte. Ça sent c'est bon, là, ça ne sent plus. Ça sent plus frit. Là, non, c'est tombé. Ils étaient magnifiques la semaine dernière, et là, le coup de chaud, boum. On n'a plus rien. C'est dommage, maintenant. Et celle-ci, je crois pas qu'elle soit remontante, en plus. Celle-ci? Ouais. Ah. Ah, bah, ça a des fleuris, hein. Du coup, je l'ai. Darkened kitchens, a thousand mill of grey, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people here are singing bread and roses, bread and roses. Où est passé le parfum des roses? Bread and roses. Des roses mondialisées. Avec Blandine Vette, Jacques Ronchon, Bernard Callas, Stéphane Dupuy, Céline Groussin, Karine et Philippe Venet, Maria, Elisabeth Palandingue, Yannecke de Jong, Wout Or. Avec les voix de Thierry Beauchamp, Andrea Schiffer et Laura Tirandaz. Texte lu par Sarah Chaumette. Documentation. Linda Simon, Amélie Briand le Jeune, Anne-Lise Signoret, Romain Couturier. Équipe de réalisation. Marie Le Peintre, Claude Nior, Anne Thérèse. Merci à Léa Galanopoulou et à Noémie des Roses dans mon jardin. Ce documentaire a été soutenu par la bourse Brouillon d'un rêve de la SCAM. Une série proposée par Jean-Baptiste Verrieras et Marie-Annick Bello. Rose is red and rose is white, plucked I for my love's delight. She would none of all my posies, made me gather her blue roses. Answered me. artistes, fleuristes, obtenteurs, traders, amoureux, poètes, ouvrières et jardiniers amateurs, LSD à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast pour La Réunion, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram, n'hésitez pas à nous laisser des messages. Et la semaine prochaine, nous irons comparer le modèle assimilationniste et le modèle multiculturel. Mais dans un instant, c'est le journal de 18h et tout de suite, le malheur des uns. Si ça ne va pas fort aujourd'hui, dites-vous que vous auriez pu être Joseph de Maistre. En d'autres termes, vous auriez pu ne penser que des choses déraisonnables. Car de Maistre est souvent classé parmi les auteurs anti-modernes, anti-révolutionnaires du XVIIIe siècle. Mais si de Maistre s'était contenté d'être gentiment réac, il ne mériterait pas d'être classé parmi ces penseurs de l'échec. En réalité, comme Sioran l'a brillamment montré, de Maistre s'est efforcé sa vie durant de ne rien penser de raisonnable. Chacune de ses lignes est outrée, injuste, caricaturale. Folle. De Maistre est une vraie malédiction pour les causes qu'il épouse. Sa manière de les défendre est telle qu'il les disqualifie presque à coup sûr. C'est ainsi que le pape trembla lorsqu'il apprit que de Maistre avait décidé de chanter ses louanges. Il faut dire qu'il se souvenait des pages les plus délirantes que son terrible avocat avait consacrées à l'Inquisition. « Il ne peut y avoir rien de plus calme, écrit de Maistre, de plus circonspect, de plus humain par nature » que le tribunal de l'Inquisition. Si, Domine bellissime, si, heritenite, tutti, tutti, heritenite, pateriste, salanis, circumcisi, ma, ai normo literatus, ai sin senza malizia, I beg, magnificentissimo, in nomine Patri, et Filii et Spiriti Sancti, you will forgive me. Chez de Maistre, le maniement de l'hyperbole est porté à l'incandescence avec un seul problème, se persuader que cet auteur n'est pas ironique, qu'il ne chante pas ses louanges pour prétendre l'inverse à la manière de Montesquieu, chantant les louanges de l'esclavage pour démontrer son inhumanité. Oui, mais voilà, nulle trace d'ironie chez de Maistre, qui était un authentique possédé, l'excès et sa manière à lui d'écrire toute nuance passerait à ses yeux pour du blasphème. D'ailleurs, comme il la voit, il n'existe pas de grand caractère qui ne tende à quelque exagération. L'intérêt de de Maistre est de nous fournir un laboratoire du fanatisme et de son échec. Seuls les déjà convaincus peuvent devenir ses disciples. L'homme ne démontre rien, il assène. Sa prose se contente de venger des causes qui, dans son cas d'espèce, avaient déjà été largement disqualifiées par le tribunal historique. Dans ces conditions, son agressivité ne dépassait pas le stade verbal, même lorsqu'il vantait les mérites de la violence. « Je n'ai jamais pu comprendre ceux qui anathémisaient la guerre », lâcha-t-il. « Cet anathème est contraire à la philosophie et à la religion. Ceux qui le prononcent ne sont ni philosophes ni chrétiens. » Parfois, on s'affole à l'idée que de Maistre aurait pu être contemporain de Twitter. Il aurait probablement repoussé les limites de la folie en 280 signes. Et puis on se rassure en disant que le troll espère trouver la formule définitive. De Maistre, lui, s'efforçait uniquement de penser contre lui-même. Et maintenant, bonne journée, puisque vous n'êtes pas Joseph de Maistre. C'est l'été. Sur France Culture.